dëkk bi daal dañ doon ramas gor jigéen quoi. Benn jour benn gor jigéen doon dox quoi, xamuloon nu mu fa demee, rek mu romb commissaire ne ko wa waa sama càmmeñ waa fii lu xew. Commissaire ne ko dañuy ramas gor jigéen, gor jigéen ne ko ah bon na dëgër de.